Cours numéro 9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dans le dars précédent, on a commencé le fasl الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان, أي les causes pour augmenter la foi. Et il a cité, rahimahullah, les causes pour augmenter sa foi, min hayth al-ijmal, c'est de méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la révélation, sur la création d'Allah azza wa jal, obéir au prophète alayhi salatu wa salam, accepter la vérité, suivre la vérité, et y mettre en application son dîn. Thumma, il a détaillé, rahimahullah, avec plusieurs exemples, plusieurs causes, et la première cause qu'il a citée, et c'est a'zamuha, c'est la plus importante, c'est ma'rifatu asma'illahi al-husna al-warida fil kitab was-sunnah. Et ce point, on l'a étudié ensemble dans le dars précédent. Qala rahimahullah al-thani, ay as-sabab al-thani, la deuxième cause pour augmenter sa foi. Wa minha tadabbur al-Qur'an 'ala wajhi al-'umum. Fa inna al-mutadabbir la yazal yastafidu min 'ulum al-Qur'an wa ma'arifihi ma yazdadu bihi imana. Tadabbur al-Qur'an, le fait de lire le Qur'an avec méditation, avec concentration. Bi'ilm, en recherchant l'essence des versets, des mots. Kadalik, en revenant à Asbab al-Nuzul, pourquoi ce verset, il a été révélé. Hada, qala la yazal yastafid min ulum al-Qur'an. Al-Qur'an, c'est la source. C'est la source dans l'aqida, c'est la source dans le tawhid, c'est la source dans le fiqh. C'est la source de notre din, la source principale avec sunnah. Ça montre la lecture après lecture, tu vas approfondir tes connaissances. Le Coran, c'est pas un livre comme les autres. Le Coran, c'est la parole d'Allah azza wa jalla. Vu que l'iman c'est lié au ilm, plus tu vas apprendre des choses, plus tu vas approfondir tes connaissances, comme on a cité dans le dars précédent concernant les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Fa hakada al-Qur'an. Et là, chacun, en étudiant al-Qur'an, tu vas étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de ses attributs, beaucoup de ses noms, ta croyance concernant la foi, concernant beaucoup de choses, concernant le jour dernier, concernant les récits des prophètes avant nous, alayhim as-salatu wassalam. Qala, كما قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Le verset est clair أن هذه الآيات المتلوة qui sont récitées, أي les versets du Coran, c'est une cause pour que la foi elle augmente. قال وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك en lisant le Coran, si on lit avec ta'ammul wa tadabbur, concentration, on médite et on fait attention, et on s'apercevra que al-kalam il est muhkam. Anna, les versets, il n'y a aucune contradiction. Bel, hada, ce verset, yuwafiq hada. Et tu as des précisions dans d'autres versets, tu as des fawaid, etc. Enfin, celui qui lit avec hada, tadabbur, la shakana, ça va augmenter sa certitude. Annahu, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Aucune contradiction. Aucun manquement. بعض الكفار إلى يومنا هذا ils recherchent des manquements, des contradictions à notre époque avec la science ou avec des mensonges, de l'ignorance claire dans tous les cas. إلا فالمؤمن il doit être على يقين أنه كلام الله. C'est pour ça que le danger c'est l'ignorance et être exposé à ces choubahs. C'est pour ça qu'on conseille nos frères fillah azza wa jal de ne pas écouter, lire haoula al-kafara al-mustashriqoun qui essayent de montrer des failles dans le Coran. Tu trouves بعض الناس ils sont pas prêts, ils n'ont pas هذا العلم, ils connaissent pas le Coran. بعضهم ils ont du mal à le lire ou ils ne comprennent pas. ثم ils écoutent كافر من الكفار citer des ambiguïtés. Et les ambiguïtés elles sont ضعيفه جدا عند اهل العلم. Des choses vraiment بعيد. لكن عند الجاهل ça peut devenir une énorme ambiguïté. Enfin on doit craindre Allah. On n'a pas besoin d'écouter هؤلاء. T'es forcé, akhil karim, place-les, concentre-les dans la mémorisation du Coran. Kadalik dans la lecture avec tadabbur, kadalik dans la lecture des kutub tafasir, tafsir ibn Kathir, tafsir Sheikh Sa'di, rahimahullah. Pour les débutants, il est tayyib. Tafsir ibn Kathir, tafsir ibn Jarir, al-Tabari, rahimahullah, et d'autres, mina al-mufassirin, mina ahl al-ilm. Amma, écoutez ahl al-batil, fayakdiboun. Ils mentent, ils rajoutent, ils enlèvent des ambiguïtés, c'est du à peu près, etc. Lakin, ça peut rendre malade le cœur du mu'min ignorant. قال وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح. Si ce Coran ça ne serait pas la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hakim, al-Hamid, al-Khabir, jalla wa ala, فلا شك أنه y aurait des contradictions. C'est toutes ces sourates, tous ces versets, des milliers de versets, des milliers de mots, etc., des centaines de ahkam, des dizaines de récits concernant les peuples passés, les prophètes. Là, chaque il y aurait certaines contradictions. Lakin, vu que c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, sa parole elle est parfaite, c'est le haqq, kalamuhu c'est le haqq, jalla wa ala, il n'y a aucune contradiction. قال وهذا من أعظم مقوية الإيمان. Et ça fait monter la foi. Il n'y a aucun doute. ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير. Le fait de simplement le réciter. نعم. قال فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه. Le fait simplement de le réciter, lakin avec ilm. Le fait de le réciter et sans rien comprendre, maintenant celui qui ne connaît pas la langue arabe, ma'ahada, il est récompensé. Ma'ahada, ça peut être une cause que son iman y monte. Lakin, ça ne sera pas comme celui qui comprend. Il va comprendre, regardez l'akhbar. Combien de récits? Le récit du prophète Ibrahim, du prophète Moussa, notre prophète Mohammed, Isa, etc. Et كذلك ما يتعلق بالجنة والنار, des versets sur le paradis, des versets sur l'enfer. كذلك الأحكام الحسنة, des أحكام sur la purification, sur la salat, sur le jihad, sur le hajj, sur le mariage, sur le divorce, sur l'allaitement, etc. Des choses que ça va être la cause que ton iman y monte. قال يحصل له من أمور الإيمان خير كثير فكيف إذا أحسن تأمله. Le fait de réciter فقط avec compréhension, ça fait monter la foi. Enfin, donc celui qui récite, qui comprend, et il prend du temps pour méditer. Il ne se précipite pas. Sa foi, elle va monter encore plus. Ça nous montre, le but, c'est ça. Le but, c'est pas, on fait cette erreur, on se précipite. Il faut que chaque jour, on lise tant, il faut que dans le mois, on lise tant. Ça, c'est taïb. C'est très, très important dans le Coran de se mettre des objectifs. Illa tu avanceras pas. Lakin, on essaye de s'imposer tous les jours, je lis tant, par mois j'essaye de finir le Coran une fois plus au moins selon ses capacités. Lakin, on doit pas négliger كذلك le fait de prendre du temps, quitte à lire un peu moins. Lakin, tu médites. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a cité ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu reviens à Kutub al-Tafasir et tu vas voir des portes s'ouvrir en face de toi, min al-ilm. Et c'est ça l'ilm. L'ilm, c'est, en premier lieu, c'est de comprendre kalamullah. C'est la base, c'est la source de la législation, de notre din, avec sunnat al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Et donc c'est ça notre but. Mais tout le temps, rien qu'on lit, et on ne sait même pas ce qu'on lit, C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de lire, de comprendre pour mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé hadha al-kitab pour qu'on le mette en application. Comment tu vas le mettre en application? Imma en l'écoutant, imma quelqu'un te montre, te dit tu dois faire ça parce que Allah il a dit, imma toi-même tu lis. Voilà, au bout d'une compréhension. Qala, فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نعم مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ستسمعون هؤلاء المؤمنين كي écoutaient القرآن. بعض العلماء قال والمنادي c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Certains ils ont dit al-munadi c'est le Coran lui-même. Et l'imam al-Qurtubi il a une kalima que j'ai noté huna, qala ay Mohammed rabbana innana sami'na munadiyan, et on a entendu un munadi. Ils ont dit c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasalam. Qala hu Mas'oud wa ibn Abbas wa akthar al-mufassirin. Donc la plupart des ceux qui m'ont expliqué al-Quran al-munadi, ils ont dit c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Hada c'est un exemple l'an qu'on met en application ensemble. Ce verset, on l'a lu plusieurs fois. La plupart de nous, ils l'ont lu plusieurs fois, ceux qui ont lu le Coran, surat Ali Imran. C'est qui Al-Munadi? Rabbana innana sami'na munadi. Ayya Allah, on a entendu un munadi. C'est qui Al-Munadi? Al-Munadi, c'est celui qui appelle à une chose. Certains, ils ont dit, c'est le prophète Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des mufassiroun. Wa qala qatada wa... وغيره هو القرآن وليس كلهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'autres ils ont dit c'est le Coran. Pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, les croyants ils ont entendu, ils entendent le Coran. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas tout le monde qui l'a entendu. Pour lui le sens est le plus vaste. Al-Munadi c'est le Coran. قال والدليل قوله تعالى إن سمعنا قرآنا عجبا. Et dans sourate Al-Jin. Pour lui, surat al-Jin, elle explique à cette surah que le munadi, c'est le Coran. Coran, ajaba. Wa ajaba al-awwaloun, man sami'a al-Quran, fa ka'annama laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha sahih. Les ashab, le premier qawl, ils ont dit, celui qui entend le Coran, c'est comme s'il avait entendu le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Limadha li anna celui qui a reçu la révélation de ce Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a propagé. Et hadha, c'est un qawl jamil de l'imam al-Qurtubi. فعلى كل حال on doit donner du temps au Coran. Et ça nous montre en tant que mu'min, si on veut que notre foi elle augmente, on ne doit pas faire comme font certains, s'accrocher à certaines choses, مثلا accrocher le Coran à la maison, un cadre ou dans la voiture, hakada, pour se rassurer qu'on a un lien avec le Coran. Ça peut faire partie de riya, l'ostentation awwalan. Thaniyan, c'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais accroché le Coran ni sur sa monture, ni chez lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, radiyallahu anhum, ni les imams de notre communauté. Ça, c'est min al-bida'a. Pardon, ils font cela pour se rassurer. On aime le Coran et on n'a aucun doute. Ils aiment le Coran. Et là, ils ne l'auraient pas accroché. Lakin, cet amour, il doit se traduire par une récitation, une recherche, une mise en application. Tu trouves, Bardanaz, on peut prendre un exemple tout simple pour vous rapprocher le masala. Bardanaz, ils aiment la cuisine, ils aiment manger, enfin, ils font des efforts. Ils recherchent une recette, ils la lisent. Aboulen, il faut la lire. Thomas, il faut la comprendre. Thomas, il faut mettre en application si tu veux manger. Et tu trouves, Bardanaz, ils passent du temps à Adal. Les malades, les noms, ils aiment manger. Thomas, fais le Coran là. Fais le Coran, on accroche. On accroche et ça s'arrête là. Alors que cette recette, c'est pour nourrir ton ventre. Amma hadha al-Qur'an, c'est pour nourrir ton cœur. Cette recette, tu vas manger et ça s'arrête là. Thomas, quelques heures après, tu dois remanger. Hadha al-Qur'an, ça sera profitable ici-là, ici-bas et dans l'au-delà. Pour ton corps et pour ton cœur. On ne doit pas négliger l'essentiel et s'occuper par al-Batil. Et accrocher al-Qur'an. Ba'dahum kadalik al-Qur'an, c'est devenu que pour des munasabat. Le jour de Al-Khitba, quand l'homme il demande la main à une femme, pour faire un lien avec mariage et islam, il récite le Fatiha, alors que c'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié, les Sahaba, ils n'ont jamais récité le Fatiha lors de Al-Khitba. Et ils font un mariage, c'est du fesed et des péchés du matin jusqu'à tard dans la nuit. Thomas, le lendemain, pour se rassurer, ils emmènent à Tolba. C'est une bid'a. Ils emmènent quelques personnes, bien sûr, il faut les payer, en général, et ils récitent. Bardom, même le mari, Ahyanan, il n'est même pas présent, il n'écoute même pas, il est dehors. Bardom, ils font des marassis dehors et les autres, ils récitent. Hey, il faut une petite partie d'islam pour se rassurer. C'est pas ça, notre dîn. Le Coran, c'est pas fait pour cela. Kadalik la mort. Bardom, toute leur vie, ils hajrent hadal Coran, hajran. Ils le mettent de côté, ils le délaissent. S'ils ont un mushaf chez eux, il est plein de poussière. Ça s'arrête là. Le jour où ils meurent, ou un membre de leur famille meurt, enfin, avant l'enterrement, il faut un lien avec le Coran. Enfin, ils emmènent kadalik, at-tulba, quelques personnes, et ils le récitent en groupe. Et tout ça, c'est des innovations. Là, le Coran, c'est fait pour le mettre en application tant qu'on est en vie. Le Coran, ce n'est pas des munasabat, ce n'est pas une occasion. Ce n'est pas pour les fêtes, le Coran. Ou pour les moments de tristesse, maintenant un malade, un mort. Ce n'est pas pour ça le Coran. Bien sûr, pour les malades, c'est profitable. Mais si on l'utilise que quand on le récite, que quand on est malade, ça montre le lien de ce mu'min avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quand ce mu'min, lui, il ressent le besoin. Et ça, c'est très très grave. Là, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui peut le réciter tous les jours, qu'il le fasse. On doit le mettre en application. Le meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ils ont demandé à Aïcha radiallahu anha, c'était quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Qur'an. Ta'ammalou, son comportement du matin au soir, toute sa vie, al-Qur'an. Pourquoi? Parce que le Qur'an, c'est kalamullah. C'est pour notre croyance, c'est un mode de vie, c'est pour les adorations, c'est pour la législation, on doit juger avec. La vie de la communauté et du musulman, ça doit être par rapport au Coran. Lakin, vu que dans de nombreux endroits et beaucoup de personnes, ce Coran, c'est devenu un décor. C'est devenu faqat, l'apparence, on est des musulmans, on a un mushaf chez nous, bardohum, ça s'arrête là. C'est pour ça que tu trouves, haoula, ils ont des problèmes fil iman. Et on a le deuxième point, la deuxième cause pour que la foi, elle monte après la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est connaître la révélation d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que juste après qala, et c'est la troisième cause, wa kadhalik ma'rifatu ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ay as-sunnah. Donc, il a cité les deux révélations, al-Qur'an wa as-sunnah. Qala wa ma tad'u ilayhi min 'ulum al-iman wa a'malihi kulluha min muhassilat al-iman wa muqawwiyatihi fa kullama izdada al-'abd ma'rifatan bi kitabillah والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه وقد يصل في علمه وإيمانه لمرتبة اليقين. Et ça, c'est les hauts degrés. Et en faisant des efforts pour comprendre le Coran, pour comprendre le Sunna, les hadiths du prophète sallam authentiques, enfin, ce musulman, ce mu'min, ce croyant, il pourra atteindre le niveau de al-yaqin, la certitude. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. Et ça, c'est un point important. Il a cité هنا الراسخون في العلم. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités في القرآن. الراسخون, c'est ceux qui sont ancrés dans la science, les savants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces savants? Oh, c'est quoi leur science? Pourquoi leur science, elle est utile, elle est profitable? Et ça, c'est essentiel pour nous. Il y en a, vous avez remarqué, ce n'est pas tous ceux qui recherchent la science. Cette science, elle devient profitable. Donc, c'est quoi la science utile? قال الذين حصل لهم العلم التام القوي. Donc, il y a un effort. Il y a un énorme effort pour atteindre un certain niveau de la quwa. Que ce soit un ilm qui est fondé sur les textes. Pas des rumeurs, pas des on-dit, pas du à peu près. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم. Quand on cite la parole d'un imam, on la cite pourquoi? Parce qu'on a un délil. وهكذا ثم السعلم, le fruit de ce علم, قال الذي يدفع الشبهات والريب. Ce علم, بإذن الله عز وجل, ça va être une protection contre les ambiguïtés et les doutes. ويوجب اليقين التام. Et كذلك, ça va être la cause de cette certitude qu'il a citée. Le seul moyen pour être préservé, la plus grande cause, bi idnillahi azza wa jal, avec dua et avec tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala, c'est C'est l'ilm. Pourquoi Ba'dunna, ils étaient à la sunna, ils sont devenus des ennemis de sunna. Ba'dhum, ils ont délaissé sunna pour suivre al-Rawafid, al-Anjas, al-Zanadiqa, al-Kafra, les chiites, les ennemis de l'islam. Les mains, ils sont entrés dans des choses, ils n'avaient pas assez de ilm. Et ils ont été exposés, ils ont exposé leur cœur à des ambiguïtés, à des doutes. Et Yadam Billah, c'est devenu des ennemis de l'islam, des ennemis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu anhum. Donc, Al-Amr, c'est pas seul. On a tous besoin de ilm. Est-ce que, Akhil Karim, tu peux rester un jour sans boire, sans manger? Là, tu fais les causes. Tu n'accepterais pas que quelqu'un te dise... Ne fais plus de cause pour manger et boire. C'est rien du tout. Tu n'accepteras pas. Ben, tu vas citer des preuves dans ce cas-là. Il faut faire les causes, etc. Et c'est vrai. Enfin, on ne doit pas accepter, Kadalik, de vivre sans il. On répète, Anna, cette nourriture, c'est pour ton corps. Hadal ilm, c'est pour ton cœur. Vous avez remarqué que tout ce qu'il a cité, c'est le cœur. On répète. Yadfa al-shubuhat, wal-riyab, ça c'est dans le cœur. Wayujibu al-yaqin, c'est dans le cœur, la certitude. Al-shubuhat, c'est les ambiguïtés. Al-riyab, c'est les doutes. Al-yaqin, c'est la certitude. Tout ça, c'est lié au cœur. Que ça soit positif ou négatif, c'est le cœur. Enfin, al-ilm, c'est une protection pour ton cœur. Al-ilm, kadalik, c'est une source pour augmenter ta foi. Al-ilm, c'est une source, kadalik, pour la guider. Tout le bien, il se trouve fil al-ilm. قال رحمه الله bien sûr العلم هنا علم القرآن والسنة les deux sources qu'on étudie ensemble. قال ولهذا كانوا سادة المؤمنين. Vu qu'ils ont fait des efforts dans la chose, la cause principale, c'est devenu سادة المؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كثير من أهل العلم disent ولاة الأمور c'est les gouverneurs et les savants. C'est devenu des guides dans la communauté. Les gouverneurs, c'est les guides niveau mise en application de la législation, etc. Et al-ulama, c'est les guides niveau ilm al-tawji, les questions, etc. Alors, au bout d'une communauté où les gouverneurs et les savants ne sont pas respectés, c'est un peuple qui se fera beaucoup de mal. قال الذين استشهد الله بهم c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le Coran. اسمع قال واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين كما قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. فالله سبحانه وتعالى il a cité الراسخون في العلم. C'est quoi leur position par rapport aux ayat muhkamat ou ayat mutashabihat? بعضهم مثلا يدلس المحكم des versets clairs et prennent des versets من المتشابه. Un verset من المتشابه, il a besoin d'un autre texte pour être compris. فهم يفقن ce texte et ils l'expliquent selon leur passion, selon leurs égarements. C'est pour ça que même Ahiyalan, tu entends Ba'd al-Kafirin, certains koufars, pour appuyer leur également, ils disent, mais dans le Coran aussi, on est tous des frères. Il faut respecter l'être humain, etc. Et ils te citent un verset du Coran, comme quoi, tu ne peux pas dire un tel c'est un kafir, un tel c'est un. L'imam al-Yanoum, ils ont pris un verset, Rubbama semina al-Mutashabi, et ils ne sont pas objectifs. Amman rasikhuna fil ilm, ils prennent tout. Wa rasikhuna fil ilm, yaquluna amanna bih. Kulun min indi rabbina. C'est pour ça que Al-Kawara, ils prennent beaucoup certains versets, et certains versets, Wallah, ils pourraient les effacer des masahif et des cœurs des croyants, ils le feraient. Amma al-mu'min al-sadiq, encore plus al-ulama, Allah subhanahu wa ta'ala, les assistants, ils acceptent tout. قَالَ فَالرَّاسِخُونَ زَالَ عَنْهُمُ الْجَهْلُ وَالرَّيْبُ وَأَنْوَعُ الشُّبُهَاتِ وَرَدُّ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْآيَاتِ إِلَى الْمُحْكَمِ مِنْهَا وَقَالُوا آمَنَّا بِالْجَمِيعِ فَكُلُّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا مِنْهُ وَمَا تَكَلَّمَ بِهِ وَحَكَمَ بِهِ كُلُّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ. Et ça nous montre en tant que mu'min, on doit accepter tous les textes. Tous les textes, c'est la révélation. Et rejeter un texte alors qu'on sait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance, celui qui rejette le Coran. Qala wa qala ta'ala lakin ar-rasikhuna fil 'ilm minhum لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى il les a pris comme شهود شهد الله الله il a témoigné تأمل celui qui témoigne c'est Allah le témoignage c'est quoi c'est توحيد الله سبحانه وتعالى في الألوهية في العبادة كذلك الملائكة ils ont témoigné et كذلك أولو العلم قائما بالقسط قال وبعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة كذلك يتمونيغون dans l'au-delà كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون donc الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرغ تيموني العلماء contre les كفار لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وللموقنين الموقنين سيكون اليقين لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا نعم avec les efforts dans la science avec les efforts dans la récitation du Coran, la compréhension du Coran, la méditation des versets du Coran, ça va rajouter de la science, de la certitude et bien sûr de la foi. قال بحسب ما فتح الله عليهم. Tout ça c'est min Allah. فلهذا on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre les portes de la compréhension, qui nous ouvre les portes de la méditation, qui nous ouvre les portes de la science, qui nous guide. قال فتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك Ça revient au conseil qu'on a donné précédemment. Hey, ce Coran, ça ne doit pas être un décor. Ça ne doit pas être des versets qu'on accroche sur nous-mêmes, ou les murs, ou les voitures. Là, Allah قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. C'est un livre مبارك. Avec énormément de baraka et de profit pour toi, أخي المؤمن. Quand ? Dans quel cas ? Ou pourquoi Allah l'a révélé ? ليدبروا آياته. Pour méditer, pas pour l'accrocher. Et la méditation, ça doit pousser à quoi ? Ça doit pousser à la mise en application. وإلا lecture, compréhension, méditation, ثم on n'applique pas. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك القرآن c'est إما pour toi إما contre toi أي par rapport à la mise en application et dans l'autre hadith أن parmi les personnes qui seront les premiers jetés en enfer trois sortes de personnes parmi ces personnes إنسان قاري il était connu comme récitateur أنه il savait lire le Coran لكن pourquoi Il faisait des efforts pour être reconnu en tant que lecteur. Il a une belle voix, il récite bien le Coran, etc. هذا الصنف seront jetés en enfer, parmi les premiers. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre que tout ça s'est fondé sur la sincérité, bien sûr, et la mise en application. Selon, chacun selon ses capacités. قال فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها ça c'est un كلام جميل comment profiter de cette baraka que Allah il a cité dans ce verset كتاب أنزلناه إليك مبارك donc la baraka c'est pas en l'accrochant en achetant le mushaf et on le pose chez nous بعضهم avant de dormir ils le mettent sous l'oreiller ou tout ça c'est à côté d'eux tout ça c'est d'aucune utilité Celui qui préserve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guide, c'est Allah. Le Coran, c'est sa parole. Si tu veux qu'il soit mubarak, tu veux en profiter. Qala, allati min ahamiya husul iman, sabiluhu wa tariquhu tadabbur ayati. Fais des efforts. Ba'd an-nas, quand c'est quelque chose de dunya, il reçoit une lettre par rapport au travail, ou sa fiche de paye, ou un contrat, ou quelque chose niveau argent. Wallahi, wala oui. Ce contrat ou cette feuille elle est en chinois, il va en quelques minutes, il va réussir à, à la traduire. Il va téléphoner, Obama, s'il ne peut pas, il est prêt à voyager pour eux, pour comprendre. Parce que c'est lié à Dunya. Mais هذا القرآن c'est كلام الله. C'est une langue arabe, en langue arabe claire, très simple. Si tu n'arrives pas à comprendre, alhamdoulilah, tu peux demander, tu peux faire des efforts pour comprendre. Ou alors on commence par le Fatiha. On doit faire par étapes. Le Fatiha que tu récites tous les jours, c'est Adam Surah. Adam Surah. Et tu la récites tous les jours, elle est très très simple à comprendre. Lakin, il faut des efforts. Un minimum d'efforts. Qala, كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه قال تعالى أفلم يدبروا القول أي فلو تدبروا حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به هذا كذلك c'est un كلام important أن celui qui fait l'effort أفلم يدبروا القول celui qui fait l'effort il est sincère il est objectif il veut vraiment la vérité Allah il le guidera comme min al-nas ils ont été guidés l'imana li'annahum ils ont fait un effort et ils ont voulu comprendre le Coran ça les a touchés ils sont rentrés dans l'islam ahyanan c'est même pas le Coran en langue arabe c'est une traduction des sens la traduction des sens c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme un tafsir c'est une interprétation et ahyanan c'est assez proche ahyanan ça dépend des traductions al-muhim بعض الناس ça les a touchés خاصة quand ça salit l'islam, ça parle de l'islam. Pardon, tu trouves mille al-kuffar. Ils ont cette objectivité, ils veulent vraiment savoir. Ils lisent, ils rentrent dans l'islam. Enfin, ma balouk anta akhi al-karim, tu es un mu'min, tu es un croyant. Tu crois à la base. Enfin, si tu fais cet effort, ça va te faire monter, augmenter ta foi. C'est pour ça que Cheikh Saadi l'a cité comme deuxième et troisième cause al-Qur'an wa al-Sunnah. Qala. نعم قال أي فلو تدبروا حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع ما جاء به وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب pourquoi les gens ils rejettent مثلا من الكفار pourquoi ils rejettent le Coran لأنهم ils savent pas c'est quoi le Coran ils auraient donné un peu de temps la preuve c'est ceux qui ont donné du temps pour le lire ils acceptent. Nachar ou Anawahed, un politicien, je ne me rappelle plus de quel pays. Avant, c'est les Pays-Bas. Anawahed, c'était un ennemi de l'islam, un politicien, un député. Et vraiment, il avait de l'animosité envers l'islam. Et il pensait vraiment que l'islam, c'était de l'égarement, c'était du terrorisme. C'était... Et il a entrepris d'écrire un livre. Il avait comme projet d'écrire un livre contre l'islam. Donc, il a commencé à se documenter, à Il a acheté un Coran, il a sur internet, tout est accessible. Il a commencé, au bout de quelques temps, il s'est converti à l'islam. C'est exactement ce que Cheikh Saadi vient de dire. Bel, c'est exactement l'explication de la parole d'Allah. Bel kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Maintenant, cet exemple qu'on a donné, ce politicien, kafir à la base, qui était kafir, pourquoi il attaquait l'islam? L'imam al-Yanawi s'est basé sur les médias, ce que les gens y pensent, et il ne connaissait pas le Coran, il ne connaissait pas l'islam. Le jour où il a donné du temps et il a commencé à étudier pour contredire l'islam, ça l'a touché, il s'est converti. قال رحمه الله أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. Ça nous montre quoi كذلك أن pour دعوة, on doit faire دعوة avec le Coran. كم من الناس يدعكسبتوا با انت لدي الشيخ هادي كونس باهم هذا بل في اون ايبوك بعضهم ميم سي تو سيت سيغتان حديث سي سون با دون صحيح البخاري صحيح مسلم وبعضهم ديريكتومون ايزون دي دوت نو با نيجليش القران في الدعوه سا توش انورميمون قال الله عز وجل ان فيرسي كو تو ميتريز افيك ليكسبليكاسيون دان سامون تو فيرا انورميمون دو فروي دون اون دعوه كي بازي سور القران نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة الإيمان والعلم الصالح والعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا et le prochain dors إن شاء الله تعالى jeudi à la même heure on a avancé un peu l'heure par rapport à la salat vu que les journées rétrécissent, on est descendu à 17h10 et au fur et à mesure, on descendra Et à chaque fois, inshallah ta'ala, on essaiera de prévenir. As-sabr, as-sabr. On doit s'accrocher. On doit s'accrocher. L'étude de ce genre de livre, c'est une ni'ma, ya ikhwan. On doit s'accrocher. On doit mettre la priorité hada. La'alla avec ses doses, avec les manquements, avec nos faiblesses. La'alla, si on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre des portes. On doit donner de l'importance au ilm. On doit donner de l'importance aux assises de science. Et on vit à une époque où l'ilhan, même ceux qui ne peuvent pas assister directement avec هذه الأجهزة, avec ces nouveaux appareils, tu es chez toi, walillah ilham, en sécurité, et tu écoutes. C'est une ni'ma azima. Enfin, on doit en profiter. Allahu a'lam, est-ce que ça va durer? Donc, on doit s'accrocher, en profiter, et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته